La cam est bonne, même coupée. Assise à l'avant dans le coupé, après elle veut se faire couper. Occupé à compter la thune, t'as pas vu les condés. Perquise, gardave, poucave, comparution immédiate. Couloir, parloir, cantine, mandat. Croise des vieilles gueules béton avant promenade. La suite en préparation, leur état à la réflexion. Dans la cour, musculation, pompe à tout traction. Toujours les mêmes histoires de Golemont, les mêmes cassos qui sont fait serrer pour des vieux bracos pour quelques pesos. Tony Montana en carton bloqué entre quatre murs. Les yeux rivaux au plafond, la mano dans le calbus. Souvenir de cette meuf trop sexe. Griffé talon sur la banquette arrière. Porsche, Cayenne, Govas, Lascar, Costard, Champagne, ambiance mafia, les poches pleines, calibre, Géchard, force le destin comme une porte de fiesta. Porsche, Cayenne, Govas, Lascar, Costard, Champagne, ambiance mafia, les poches pleines, calibre, Géchard, force le destin, force le destin. Passer de Caïra du bloc à la zone prime, mon petit foyer au Bayern de Munich. Faut croire que t'avais pas le profil, fin de peine sortie, patate, faut faire du profit. Virage brutal, plus par manque d'effort que le talent, itinéraire d'un enfant gâté par les manquements. Les toxiques en manque, accro à la coque, commerciaux d'Along veulent péter le score. Le téléphone sonne, 2h du mat, ils ont torché leur dose. Cette meuf est trop chaude, la cam est trop bonne. Sors le grand jeu, la carte bancaire, champagne, hôtel. Plus ils dépensent, plus tu t'engraisses. En 2 ans, t'es passé de la Clio au Cayenne. Locataire d'un duplex, dans le sang, t'es devenu une putain de légende. Porsche, Cayenne, Govas, Lascar, Costard, Champagne, ambiance mafia, les poches pleines, calibre, Géchard, force le test est comme une porte de fiesta. Porsche, Cayenne, Govas, Lascar, Costard, Champagne, ambiance mafia, les poches pleines, calibre, Géchard, force le destin, force le destin. La réussite génère la convoitise, dans l'illicite pire que dans les autres bises. Pas d'amis, parano à juste titre, change tous les mois de carte SIM, y'a du monde sur la ligne. Garde à portée de main, calibre, garde à l'esprit, tu peux tomber pour homicide ou être la victime. Grillé au RG, fiché au grand banditisme. Pas de retour en arrière possible, bosser pour le SMIC n'a jamais été une option. 40 ans à l'usine pour crever comme le daron à 6 mois de la retraite, c'est pas le projet. Millionnaire à 30 piges ou 6 pieds sous terre, comme Icar à vouloir voler trop près du soleil. Govast chargé, la machine est lancée. Cette fois encore, ça te fait passer un gros titre dans le journal, l'annonce de ton décès. Porsche, Cayenne, Govast, Lascar, Costard, Champagne, ambiance mafia, les poches pleines, calibre, Géchard, force le destin comme une porte de fiesta. Porsche, Cayenne, Govast, Lascar, Costard, Champagne, ambiance mafia, les poches pleines, calibre, Géchard, force le destin, force le destin. Cayenne, Govas, Lascar, Costard, Champagne, ambiance mafia, les poches pleines, calibre, Géchard, force le destin comme une porte de fiesta. Porsche, Cayenne, Govas, Lascar, Costard, Champagne, ambiance mafia, les poches pleines, calibre, Géchard, force le destin, force le destin.